du bat balzak, dozu izan ekrame, kopuñan notaita, dozu izan balime, halba anietriki, zemame itxarre, biztame zizketxiki, bieldoloro eratezan. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de À l'Ouest, rien de nouveau. Aujourd'hui, nous allons nous rapprocher de l'Ouest puisque nous allons parler de la République tchèque. Salut souris. Salut Mickey et salut tout le monde, comme d'hab. Et nous allons commencer à la capitale Prague avec Krosseč. Ouais, du petit Oyshart de Prague, formé en 2002. Alors, les morceaux que j'ai choisis, c'est Dva kroky vpred, qui veut dire deux pas en avant, en espérant que j'ai bien prononcé le truc. Ouais. Et Hobby, qui veut dire tombe. We'll be right back. C'était Crossstitch avec Va, Krobi, Fred. Et. Bacroquis, là. Hein? Bacroquis. J'ai pas dit ça? Non, tu nous as mis un B à la fin à la place du corps, mais c'est pas Ah. grave. Non, bah, il n'y a personne qui aurait remarqué si tu l'avais pas relevé. Ah. Merci de m'humilier en public. Oh purée, tu nous as une Ouais. belle toux. Ouais, c'est pas évident ce moment. Et Orbi. Et nous allons poursuivre avec Last Strike. Ouais, un petit groupe Antifa formé en 2006 avec le titre Skinheads Proti Razovim Presutkum. Attention, parce que c'est pareil, faut y arriver à le lire celui-là. Et donc, ça veut dire Skinhead contre les préjudices raciaux. Já nejsem žádný dobrák, ani váš kámoš, ani váš bratr. Nedělejte si iluze! C'était Last Strike avec Skinhead Proti Razovim Presutkum. Et nous allons aller maintenant du côté de Jablonec Nad Mizniz avec le groupe Muerti. Ouais, un groupe formé en 2005, donc on reste hein, au début des années 2000, avec le morceau Vitejtví a Prori. Aucune idée si je l'ai prononcé correctement. J'avoue que le tchèque, malheureusement, je ne suis pas très spécialiste. Ça veut dire victoire et défaite. Et alors le numéro... le numéro... C'est parce qu'il y a des numéros dedans, c'est pour ça. Le titre suivant, je ne sais pas s'il faut le faire en tchèque ou en anglais. Donc, écoute, je vais essayer en tchèque. Donc, c'est Agent Nula Sedm, qui veut dire Agent 077. Pas mal, belle performance quand même. Fais ce qu'on peut, hein. Agence 077, sinon. Oui, voilà. Mais je pense que ça, 77, c'est certainement plus difficile à prononcer que Ah oui, non, mais 77. j'ai même pas envie de Hein, savoir. j'ai contourné le problème. Agent 077, teď se ti hulvá, co mu patří celý svět. C'était Muerty avec deux morceaux. Toi aussi, t'as contourné le problème du coup là. Ah, c'est ça. Et mais saute au-dessus. Et nous allons poursuivre dans les années 90 avec Total Ni, Nazazieni. Ouais, un petit groupe du coup de Slany, comme tu dis, des années 90. Et le titre, c'est Zakazani Ovotse, qui veut dire le fruit défendu. Oh. Tout un programme. Ouais. Zakázaný ovoce, zakázaný země dar, roste někde na louce, zná ho jenom lidí pár. Zakázaný ovoce, roste i na nádraží, roste si tam divoce, někomu snad překáží. Hledám se skračenej brejlí, ovoce, co chutná nejlí. Černý brejlí, ovoce, co chutná nejlíp. Chci se projít světlem vidět, navzdory svý lidský bídě. Zakázaný ovoce roste vlastně kdekoliv, jeho strom je oplocen drátama a nebolí. Zakázaný ovoce dozraje až člověku, obsahuje emoce, zná i pocit nevděku. Et voilà pour Total Ni Nazazeni avec Zakazani Ovoce. Et nous allons poursuivre maintenant avec Protect. Project, ouais. Project, pardon. Ouais, un groupe qui a sorti trois albums entre 2002 et 2015. Ouais, je ne sais pas s'ils existent encore, par contre, j'avoue, là, je coince. J'ai choisi deux morceaux, c'est Nacht und Nacht, qui veut dire notre nuit, et Taxi Day, qui veut dire poursuivre. Continuer, quoi. Allez. Ouais. Tak to chyba się o sobie myślisz. Odczutuj sam, aż tu wstecz ten i choć ich strach, co mu też widzisz. Ty budesz, ty usier porażeni. To tak uci, że ty, oj, oj, oj, wiesz, że ty, oj, oj, oj, z kim muszę smyć, oj, oj, oj, żalicę do mi. Bieg stończył to usierdziany. Radzisz tu sam na zemię bez ludzi. Widzę, czy dobrze me synamy. Ja dał ci rozdziel twoje wsparcie. No tak uczycie ty, oj, oj, oj. Wiesz, my, że ty, oj, oj, oj. Ścibuj się swych, oj, oj, oj. Żali się do mi. Co ty właśnie ode mnie ciekał? Chodzisz tu sam, na zemi bez ludzi. Mali to skończyła jak uniwersa. Nienawiść zeszła, bo jest dla ludzi. No tak uczycie ty, oj, oj, oj. Wiesz, że ty, oj, oj, oj. Z kim uczcie spryt, oj, oj, oj. Żali się do mi. Ode mnie uciekał. Lecisz tu sam, na zemi bez ludzi. Mali to skończyła jak uniwersa. Nienawiść zeszła, bo jest dla ludzi. No tak uczycie ty, oj, oj, oj. Wiesz, my się ty, oj, oj, oj. Dziw uczcie smyt, oj, oj, oj. Żali się do mi. Et voilà pour Project avec Nash et Nocte et Taxi Day. Et nous allons terminer cette émission à Prague, puisque nous l'avons commencé là-bas, avec The Protest. Ouais, un groupe qui a été formé fin 90, début 2000. Et le titre, bah dis donc, on va pas galérer pour une fois et pas de traduction ni rien. Tout le monde va comprendre, c'est Bulldog. Et c'est avec Bulldog de The Protest que se termine cette émission. Merci beaucoup, Souris, pour la co-animation et la préparation de cette playlist. Bah Et... ouais, une petite playlist là comme ça, avec pas énormément de blabla, j'avoue. Non. Bon. C'est vrai. C'est bien aussi, hein, de temps en temps. Alors écoute, là on a été droit au but, on va dire. C'est Hein. ça. C'est La ça substantifique quoi. moelle, là. Et bah à la semaine prochaine et restez à l'écoute car la voix de la Hoy ne s'éteint pas. Salut!